Il n'est pas un prophète. Dites-moi. J'ai laissé l'Ancien Testament. Monsieur, je ne sais pas. Mais non, quand je ne sais pas, ne vous agitez pas. Je ne sais pas quoi, vous ne savez pas. Voilà. Je ne sais pas, justement, c'est pour ça qu'il faut. Non, je n'ai pas dit je ne sais pas. Tu as dit que parce que tu sais, je ne sais pas pourquoi je ne sais pas. Je vais parler. Oui. Je suis en train de parler. Vous avez dit que à vous la parole, vous prenez la parole. Mm-hmm. Je ne veux pas traîner sur la parole comme vous traînez. Je vous dis en clair. Est-ce que lui, quand il parle, il dit qu'il est en train d'accomplir quelque chose devant sa parole aux gens? Réponds aux questions, tu me poses la question, mon cher. Laissez que je vous dise. Oui. Luc écrit et rendant témoignage. Excusez-moi un peu. Les paroles, quand tu prends, on prend la Bible, Matthieu, Jean-Luc, on dit que c'est l'évangile de Jésus-Christ. Quand on dit pas l'évangile de Luc, on dit l'évangile de Jésus-Christ. Mais non, c'est pas compliqué chaque fois la question ici. Luc prend sa plume, il écrit. Vous avez donné la définition que pour qu'il écrit quelque chose, ça vient par un prophète. Donnez-moi le prophète qui a parlé à Luc d'écrit. Je ne sais pas si je vais vous dire encore. Vous ne comprenez pas. Je ne comprends jamais, mais tu ne dis jamais rien de la vérité. Réponds donc. Quel est le prophète qui a dit à Luc d'écrit, Actes des Apôtres et Luc, quel est le prophète? C'est simple. Réponds à la question. C'est que vous posez la question. Ok, oui, réponds-nous ça, ton chef. Ok, donc le premier âge, donc, Luc a marché avec Jésus, physiquement. Réponds, oui ou non? Luc a marché avec Jésus physiquement. Aidez-le. Non. En fait, comment? Aidez-le. Il voudrait déclarer en disant. Il me dit que Luc a marché avec Jésus, donc parce que j'étais là-bas. Jésus-Christ marchant sur la terre. Est-ce que Luc était à côté de lui? Si tu ne connais pas, il a rafraîchi la mémoire. Excuse-moi un peu. J'ai été en train de parler. Tu as coupé jusqu'à. Je n'ai rien dit. Tu as dansé. Excusez-moi. Qui tente sur moi. Parce que lui, à un moment donné, on le laisse agiter. Mais je vous dis en clair. En fait, j'en ai tourné parce que j'ai pas la réponse. Dis frère qu'il n'y a pas. On l'avance. Je vais l'humilité ça. Luc reporte les paroles. Ce n'est pas ça le problème. Laissez-moi. La parole vient à un prophète et lui a écrit. Je vous avais dit qu'un peu écrit sans que ça ne vient pas le prophète. Ça ne vient pas le prophète. On a dit l'évangile de Luc. Comment? Là-bas, on a dit l'évangile de Luc. Où ça? Là-bas, elles sont dit que c'est l'évangile que Luc a écrit. Luc a écrit d'abord l'évangile de Luc, c'est écrit d'abord l'évangile selon Saint Luc. Mais maintenant, dans son message. Laisse le message, maintenant, on a parlé d'accord. Attends, laisse le contenu du message. Laisse le contenu du message. C'est la personne, pour que la personne écrit comme ça, il faut que quelqu'un prenne le message. C'est pas qui la parole vient. Laisse l'appel, appelle ça Luc, appelle n'importe quoi, efface ce qui est écrit là-bas. Ok, le livre de la question de savoir si c'est l'évangile de Dieu. Ce n'est pas les salariés qui sont. Vous pouvez parler des actes, on n'a pas dit c'est l'évangile de Dieu. Si vous voulez parler. Ne tournez pas, Francis. Si vous n'avez pas la réponse, l'humilité. Non, le premier caractère, c'est ça. Nous ne venons pas parler aux agitateurs. Non, comprenez-moi un peu. Oui, comprenez-moi un peu. Je suis un agitateur. Je suis un mauvais un peu ton. Le calme et ton fonctionne. Si tu. S'il te plaît, Francis, c'est l'agitateur. Il a pris la parole. Il ne pouvait répondre. Je peux dire quelque chose, frère. Francis. Oui. Si votre ministère s'écroule à partir de ce moment, à partir de votre doctrine. Vous dites votre ministère s'écroule à partir de là. Non, vous allez prendre la parole, ne vient pas seulement au prophète. Non, il n'a pas permis qu'on le demande. Il s'agit, je veux que tu calmes. Je n'ai pas demandé que tu demandes. Je dis que tu vas dire le prophète. Tu vas t'agiter comme un démon jusqu'à te calmer. En sortant, tu me délivres. Là maintenant, je ne fais pas de bruit. Tu t'agites jusqu'à ce que tu te calmes. Oui, là, on parle. Parce que tu es là comme ça. C'est la guerre. C'est quoi la guerre? Ce n'est pas la guerre. Francis. Oui. Le voici maintenant. Oui, voilà. Est-ce que c'est de cette manière-là que vous comptiez vraiment nous convaincre de vous suivre? Voilà. Attention. Pas avec les agitateurs, peut-être des agitateurs. J'ai d'abord une chose à dire. Si ce n'est pas à convaincre, Convaincre les gens. C'est plus jamais aller vers personne parce qu'on veut convaincre la personne. On veut présenter le message. C'est le message. Bon, on ne va pas comprendre. Okay. Bon, maintenant, on peut présenter et il prend ça à sa manière. Okay. Ça n'engagera que lui. Bon, je vais vous poser la question autrement. Est-ce que c'est de cette manière que vous comptiez nous présenter la chose? On n'est pas présenter la chose parce que lui, au moins vous êtes au moins intervenant dans l'ordre. Lui, excusez-moi un peu. Vous agitez. Moi, je veux. Que si on veut parler, qu'on parle de manière posée est simple. Parce que quand Joseph intervient, quand Patrick intervient ou bien cela intervient, tout le monde comprend et ça avance. C'est toi qui tournes autour du pot. Je ne tourne pas. Tu as donné une définition, il a affirmé. Je posais simplement une question. Même pour les études de l'État, tu ne vous as pas répondu. Je posais une question simple. Quel est le prophète qui a dit à Ezra d'écrire? Tu n'as pas dit. Je suis là, mais je suis là dans le Nouveau Testament. Je vais vous dire une chose. François, il faut être explicite. Oui, il faut être explicite. Laissez-moi vous dire que. Laissez-moi vous dire que. Moi, je prends le message selon les personnes en face desquelles je me trouve. Comprenez-moi. Ce n'est pas, même prenez les exemples dans la Bible, ce n'est pas, même tous les messagers que Dieu a envoyés, ils répondaient aux questions selon l'esprit qui posait la question. Uh-huh. Vous voyez un peu. Uh-huh. Un jour, quelqu'un a posé, les disciples ont demandé à Jésus, mais pourquoi tu parles en parabole, enfin, parles en parabole. Tu parles la position de Jésus là. Non, non, j'ai posé, j'ai dit quelque chose. Regarde, on a de prendre le coup. On a mis ça. Mais moi, qui va répondre. On va prendre. C'est comme celui qui dit qui pose la question, qui répond à la question, on avance. La Bible l'a tourné comme ça là. Tu vois, quand tu ne réponds pas à la question, frère, quand tu ne réponds pas à la question, lui seul, il croit qu'il peut parler. Celui qui m'a posé une question, j'ai répondu. Posez plus de questions, je vais répondre. Oui, permettez. Je vais faire quelque chose. Tu sais. Ça, c'est mon frère, il a été avec vous. Nous voulons qu'il commence la chose où il s'est arrêté avec vous. Parce que dans ce sens-là, on ne va pas finir avec toi aujourd'hui. C'est tout ce qu'on a même dit aujourd'hui. Frère Ferrand, nous sommes ici. Dis-nous ce qui s'est passé avant même qu'on... Parce qu'avec cette allure-là, on n'ira pas dire exactement la chose. Donc, c'est ça que je propose. Que nous ont commencé là où ils ont fait le truc. Et nous vérifions ensemble la chose qui est en train de se passer. Parce que quel qu'en soit le cas, avant qu'on ne fasse du n'importe quoi. Les catholiques adorent, mais lui là, ça va de. Celui qui m'a attaqué. C'est lui qui m'a attaqué. Il lèche même. Il met sous la pression. Celui qui m'a attaqué. Finalement, je ne comprends pas. C'est pour l'état de l'atmosphère. C'est pour l'état de l'atmosphère. Lui, comment tu penses à faire? Alors qu'il a de parler, soyons, on écoute, mais tu es là dans ce monde. Tu t'agis comment? Tu veux me limiter là? Non, tu es aussi ambassadeur là-bas. Non, tu as quand même limité. Et puis là, il me dépose. Tout le monde a fait. Tout le monde a fait la vue, mais tu as aussi ambassadeur là-bas. Tu as adoré comme moi. C'est oui. Je dis que si vous êtes là, c'est pourquoi vous nous voyez des zones d'ombre que j'ai vues avant de me retirer. Tout à fait. De me retirer. Donc prenons à partir de là. Et lorsque vous êtes venu, nous ne pouvions pas commencer quelque chose sans fixer des bases. Vrai ou faux? Quelque chose sans fixer des bases. Oui. Parce que je dis qu'on ne peut pas ancrer dans une profondeur sans avoir de base. De base. Et la équipe de la base. Il faut qu'on s'entende sur les bases. Nous allons nous entendre sur les bases. Okay. Donc pensez que si vous veniez me trouver ici, j'allais seulement vous écouter comme tu es en train de parler et tu dis qu'il faut qu'on te laisse parler. Tu ne t'arrêterais jamais, Francis. Non. Oh, si on a des bases, vous voyez, on pourra vraiment marcher selon les règles. Vos bases sont finies déjà. Hein? Si vos bases sont finies, on va dans la chose. À partir de là, j'ai même fixé une base. Ok, finissez. J'ai même fixé une base. Non, lui, il a fixé les bases depuis. Quand la ville a dit qu'il avait mis fixé les bases. Vous avez dit que vous avez affaire à moi. Maintenant, tu te retournes à lui maintenant. Si, parle, on n'a pas dit que j'ai encore parlé. Maintenant, on est revenu. Comment vous parlez? Non, frère, attends. Non, je veux juste aider. Oui, laissons-le parler. Nous n'allons pas nous éterniser ici, n'est-ce pas? Nous avons d'autres choses à faire. Alors, ça va finir tout de suite là. Je vais finir tout de suite si tu le permets. C'est que Ferrand a constaté dans la salle qu'il y avait des femmes qui n'avaient pas de voile sur leur tête. C'est une base, non? C'est une base. C'est une de base. Attends. Je dis qu'il y a le bébé. Pourquoi? Après ça, c'est la cause du fait. Je ne veux pas la base. Mais il a parlé d'une base. Après ça, c'est la cause de ça. C'est pas la base dont il avait voulu parler. C'est la cause là-bas. C'est pas une base. Alors, qu'est-ce qui cause, c'est-à-dire, quelle est la base? Il y a une base pour cette cause. Mm-hmm. Je me suis basé sur quelque chose pour dire que pourquoi les femmes ne font pas ceci dans cette salle. Je me suis basé sur quoi? Dans la parole de Dieu. Mm-hmm. C'est à propos de la parole de Dieu que j'ai... De la Bible. Parce que quand tu parles de Dieu, ça confond avec la parole du prophète messager. Okay. Dans la Bible, c'est la Bible. De la Bible. Mm-hmm. Bon, c'est la question donc maintenant que tu poses, afin que tu aies la réponse, n'est-ce pas? Je dis que... Oui. Je dis que... Quand tu as constaté ça là-bas, et tu as dit tout à l'heure que tu as causé avec quelqu'un, avec Patrick. Oui, maintenant, pourquoi tu n'as pas été d'accord avec cela? Qu'est-ce qu'ils t'ont présenté et pourquoi tu n'as pas été d'accord? Voilà. Tu vois que c'est arrangé sur les choses, non? Lorsque... Il y a aussi du bien dans les pharisiens. Il y a aussi du bien dans les pharisiens. Comme Satan, il a du bien, du mal. Uh-huh. En lui, il y a deux natures. Absolument. Voilà. Absolument. Mais avant d'être chez Kakou Philippe, tu étais pharisien. Merci. Avant d'être chez Kakou, tu n'es pas allé chez Kakou Philippe, tu étais pharisien. J'étais pharisien, je suis sorti. Et par contre, Kakou Philippe a dit qu'après la révélation de Jésus-Christ, l'ange des ténèbres est venu lui parler, il a eu des démons qui lui ont parlé. Avant de faire que vous comprenez. Même Jésus. Le démon n'a jamais possédé Jésus. Il n'a même pas possédé. Le diable n'a jamais donné de fausses révélations. Non, c'est pas tenté. Il a dit clairement, quand Philippe a dit. Mais le diable a parlé à Jésus. Oui, le diable a parlé à Jésus. Même à toi, le diable a parlé. Tu as péché. Il est votre pasteur. Tu l'as tenté. Il est votre pasteur. Tu es rentré dans ton pasteur. Tu as fourni. Il n'est pas ton pasteur. Il est ton pasteur. Dis-moi oui. C'est ton pasteur. Tu n'as jamais forniqué. Oui. Tu n'as jamais menti. C'est mon frère. Alors, là, il est ton pasteur. Il est ton pasteur. Il est ton pasteur. Dis-moi, il a menti. Comment je ne comprends pas. Non, ça même si ta coupe, c'est vrai. Il a menti. Il a donné le révélation. Il a accepté. Il a dit aux gens. Il a analysé les gens. C'est lui qui dit. Il est ton pasteur. Lui est ton pasteur. Lui est ton pasteur. Il est ici, mon frère. Attends, lui est pasteur. Il a dit vous êtes sous lui. Attends, il devant vous, il a dit vous êtes sous lui. Il a dit tu as fait pasteur. Qu'est-ce que tu as fait pasteur? Qu'est-ce que tu as fait pasteur? Il vous est sous lui. Il est votre dirigeant. Oui ou non? Souvent dit que il est votre dirigeant. Oui, ou non? Monsieur, ne connaissez pas la Bible. Il est votre dirigeant, oui ou non? Satan n'a jamais donné de fausses révélations à Jésus. Satan n'a jamais donné. C'est le gars qui fait conduire dans le désordre, puis conduire. La question, c'est ce n'est pas la tentation. Ça, que les démons parlent. C'est pas Pierre. Bien dit, les démons ont donné les fausses révélations. C'est lui qui a dit ça à la bouche. Les démons ont donné les fausses révélations à Kakou Séverin, à Kakou Philippe. Il est venu donner à vos frères, à ses frères. Il les a scandalisés. Et la Bible, la parole de Dieu dit que mal à ceux qui va scandaliser ses frères. Monsieur, un prophète, un prophète, ça. Oui. Un prophète messager. Le prophète a dit que les démons lui ont donné. Qu'un ange de Satan, que Satan est venu lui donner des révélations et que c'était vrai. Et qu'il est allé donner. Il a dit avec ça, il a scandalisé deux frères. Il leur a demandé pardon. C'est ce qu'il a cité. Si tu veux, j'ouvre ce qui est écrit. Les frères lui ont demandé pardon. Non, pas que les frères lui ont demandé pardon. Il a dit qu'il a demandé des frères, mais il n'a jamais dit comment il a été délivré de cet esprit. S'il y a un endroit, il a dit comment il a été délivré, dites-moi mon cher. Ah. Ou bien si ce qu'il vient de citer un mensonge, dis d'abord devant l'assemblée ici. Oui. Parce que j'ai menti que Kakou Séverin a dit ça. Attends, monsieur, monsieur. Votre Kakou Séverin est possédé, mes chers amis. Monsieur. Kakou, votre Kakou Philippe. Kakou Philippe, un ange de Chine lui a parlé. C'est la même semence, il ne comprend pas maintenant. C'est la même semence. C'est pour ça qu'il les appelle comme ça. Un possédé. Alors. Et tu es même ton fils. Alors, Kakou Philippe, l'ange de l'Éternel lui a parlé. L'ange de l'Éternel lui a parlé de ce qu'il a dit dans cette vision de l'année 93. En fait, donc c'est un ange en fait, de Satan. En fait, je vous dis en clair que je ne croyais pas pour moi rencontrer quelqu'un qui est dirigeant, élégant sous lui et qui a cette manière de s'agiter et d'agir et de parler. Excusez-moi un peu. Depuis qu'on est ici, quand on prend quelque chose, tu amènes toujours qu'on passe du coq à l'âne. Rien n'est en ordre. Et vous avez ajouté dessus que vous êtes un journaliste. J'ai même lui dit que non. Sur le plan même de l'historique biblique, l'histoire sacrée, vous ne comprenez rien dedans. Ne prenez pas comme insulte, c'est une vérité. Non, mais vous devez être sûr, c'est biblique. Parce que j'ai pensé à rester rare de biblique. En plus de ça, vous dites que vous êtes journaliste. Mais je vois que vous êtes incapable d'exercer même votre fonction journaliste. Je ne sais pas si lorsque vous avez pensé à lire la Bible que. Tu connais ce que les journalistes sont censés faire. Voilà. Mais pas les c'est dans l'agitation. Les journalistes, les vrais journalistes sont ceux qui agitent, qui lèvent la poule. Non. Et la preuve en est que tu es voilà qui est excité. Non, je ne suis pas excité. Tu es excité parce que regarde comment tout le monde est calme. Tu as la sueur. Dis-moi le contraire. Tu as la sueur. Les autres n'ont pas de sueur. Attends, j'ai posé une question simple. Si tu as tourné, tu as esquivé. Après, dis-moi que tu es le corps à l'âne. J'ai posé une question. On va mesurer. Quand on s'excite, les muscles s'excitent, la sueur sortit, on ne voit pas ça se voit science. Je vous dis en clair, de nature, j'ai transmis beaucoup. Aujourd'hui, quand tu n'excites pas en nature, on va pas transmis. Non, excusez-moi un peu. Je conduis à mon tête, transpire comment? Okay, donc, de toutes les façons. Moi, je ne vais pas parler, mais je suis transpire. Tu as dû parler, mon cher, c'est pour ça que tu transpires. Oui. Peut-être que celui-là, il a voulu répondre celui-là, ça ne l'a pas laissé. Mais t'as dit, je ne transpire pas. Mais je vois ce que j'ai transpiré. Lui, alors, celui-là, le pull. Il a mis le pull. Mais de toutes les façons, c'est toi qui quitte le corps à l'âne. Celui qui quitte le corps à l'âne. Oui. J'ai posé une question, il n'a pas répondu. Ça ne servira à rien qu'on fasse comme ça. On va passer le temps pour rien. À cause de lui, à cause de lui. Non, pas à cause de lui. Je peux me taire là maintenant, il dit plus rien. Non, il saute maintenant et il découvre Alain. Non, il veut qu'elle soit maintenant avec lui. Si je permets, on va aller sur une base. Vous aviez dit, Kakou Philippe a demandé de brûler tous les autres Bibles. C'est bon, c'est bon, voilà, je suis d'accord. Et de conserver uniquement la Bible. Non, pas tous les Bibles. Il a demandé de brûler tous les fausses visions. De conserver la Bible. Il n'y a pas de Bible. Sur l'exemple laquelle il a demandé la version David. Alors, David, c'est la Bible. La Bible. Ok, David, attends, je veux comprendre. La Bible, David, c'est la parole de Dieu. Mm-hmm. David, c'est la parole de Satan. Ok. Tu es d'accord avec moi. Parce que là, je sais que tu seras d'accord. Que si tu me trouves, j'ai lui ce don en main. Et que tu voudrais me faire comprendre que non, il faudrait que j'utilise David. Mm-hmm. Tu vas aller sur des points d'ombre qui se trouvent dans 8 secondes pour me dire bon, voilà. Alors, une chose qui est encore sûre, c'est que pour me prouver que dans David, il n'y a pas d'erreur. Parce que tu as dit que tout ce qui vient de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Oui, David, il a dit la Bible, okay. C'est la parole de Dieu. Bon, maintenant, j'aimerais ceci, qu'on essaye de prendre David, on prend 8 secondes. Oui. Tu dis, et si, voici l'une des choses, si on constate une erreur dans David, vas-tu me dire, demander de brûler aussi David? Si on trouve une erreur, ou des erreurs dans David, je vais demander qu'on brûle. Voilà ce que je vais te poser. Vas-tu faire un mail ou appeler ton prophète, Kakou Philippe, demander que comme il y a aussi des erreurs dans David, on brûle aussi David. Ok, merci. Voilà une question que je pose. Oui, je réponds. Ok. Et dans l'introduction, par rapport à cette question, je dis ceci. C'est qui est le plus grand, c'est d'identifier le messager qui parle. S'il vient de Dieu, sa parole est vraie. Même s'il dit ce qui est faux. Excusez-moi, quand je prends un exemple, permettez-moi. Quand Jésus dit comment sa chair, un truc comme ça, quand on dit que la circoncision n'est rien, alors que ça avait des valeurs à une certaine dispensation. Excusez-moi un peu. Cela, à ce moment, cela n'a plus de valeur, mais ça a eu de valeur dans le temps passé. Et les gens disaient que non, tu n'es pas venu de Dieu parce que le vrai monde, ce que tu dis là, est Francis. Réponds à la question directement, on avance, c'est toi qui tournes, c'est toujours toi qui tournes. Laissez que je finisse. Laisse-moi que j'agite maintenant. Moi, mon problème, c'est que j'agite, toi, si tu tournes. Je donne un exemple simplement et j'avance tout simplement. Donc, je ne suis pas comme toi. Et chaque fois ton examen ne colle jamais avec la Bible. On en a parlé des erreurs, tu as parlé d'une dispensation. On dit que si dans David il y a les erreurs, on peut faire des tu as parlé des dispensations. Mais c'est tellement terrible. Votre parole soit oui ou non. Claire. Tu n'utilises jamais notre langue. Tu n'as jamais dit oui ou non. Je ne peux pas répondre oui. Voilà la bonne manière. J'ai pris un exemple. Avant d'aller acheter cette moto dont tu as si elle t'appartient, tu as demandé est-ce qu'elle est neuve. On a répondu, on n'a pas commencé à tergiverser. On a dit oui, elle est neuve. Maintenant, lorsque tu dis oui, tu soutiens la chose, tu avances. Ça ne servira à rien de faire la politique. La plupart des gens, Dieu n'est pas un politicien. Permettez que je parle. Je ne suis pas allé faire la politique. Quand Jésus a posé la question, il répond. Il pouvait donner une autre réponse. Mais personne n'a parlé comme tu parles. Mais à l'intérieur, il a la réponse. Permettez-moi. Jésus était la parole. Tu n'es pas la parole manifestée, monsieur. Oh, excusez-moi. On a posé tout simplement une question. Elle est dans David. Si on voit les fautes dans David, c'est simple de répondre. Parce que tu as lu que Jésus était la parole manifestée. Tu crois. C'est déjà raconté. Si tu n'avais pas dit, c'était pas écrit. C'est déjà écrit. Tu pourras supposer autre chose. C'est écrit. Non, j'ai dit que c'est écrit. Les gens ont vécu la scène. Mais tu n'as pas été. Tu étais sur la faute. Mais je n'étais pas la manifestée. C'est que tu n'es pas la parole manifestée. Jésus est la parole manifestée. Ne tirons pas répondre à la question. Tous les messagers de la Bible, personne n'a menti. Mais le problème, c'est qu'il allait poser la question. Voici David devant nous, c'est aussi simple que possible. Tu sais comment que là-dedans, il n'y a pas de mensonge. Tu sais comment. C'est ça qu'on veut vérifier justement. Tu as toi qui est devant moi. Tu as vérifié quoi dangereux. Si toi, la question, tu as dit que le prophète a dit, s'il y a des erreurs ou là-bas ou machin, nous ne sommes pas là. Nous croyons au prophète. Donc, nous sommes certains que les paroles du prophète sont vraies. Maintenant, si tu as peut-être prendre des livres d'histoire pour démontrer que ce que le poète a dit est vrai. Ah non, non, non, non, non, Joseph, c'est parce que... Non, non, Joseph, on n'est pas des enfants ici. Nous croyons que Joseph, le prophète a dit, oui. La Bible, c'est John Norton, David. Ok, c'est maintenant, maintenant, oui. Et que le reste, ce ne sont pas des Bibles, c'est des canaries de réfléchir. Ok. Il faut brûler, nous croyons entièrement. Un point, un point. Et si maintenant, parce que le prophète a dit... Oui, et si, maintenant, il a relevé, c'était... d'anomalies oui. dans une Bible pour voir que, voilà, par exemple des erreurs. Oui. Ça ne nous donne pas maintenant le droit d'entrer pour commencer à analyser les Ok, non, non, non, on ne va pas aller avec le livre. Voilà. Donc, voici, votre prophète a dit que voici la Bible. Ce n'est pas pour oui, David. C'est voici la Bible. Tout, oui. ce écrit, là-bas. Tout ce qui est écrit, si ce qu'à la place de A, E est écrit, oui. nous disons Amen. Ok. D'accord, c'est simple. On ouvre David, je prends seulement un seul verset. On regarde. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous êtes d'accord, c'est la Bible devant nous. N'allons pas loin. Je dis que je prends Permettez. Voici ce que celui-ci a dit. Et il a dit, vous avez été d'accord. Il a dit clairement que est-ce que si on nous David, on voit le faux, est-ce que tu es capable d'écrire un email ou d'appeler ton prophète pour okay, dire voilà, okay, que toi tu poses la question que on vient en base en vertu de quoi? Allons-y. Et on nous laisse notre intelligence. Même notre intelligence mort de montée qu'on n'a pas le droit de laisse-moi parler. Écoute ce qu'il veut dire. Écoute ce qu'il veut dire. Écoute-moi, Francis. Écoute-moi, mon cher. Écoute-moi, monsieur. Écoute-moi. Écoute-moi. L'intelligence d'après la Bible. Ce n'est pas ça, c'est pas ton intérêt, ce n'est pas ton pistache. Écoute, là. Donc écoute-moi, je suis de parler par rapport à toi. Si tu es plein, tu ne pas d'allons à l'âge, allons dans ce qui est de tes problèmes. Toi qui m'as posé ton pasteur. Ouais, c'est pas croyable. Ouais. Vous m'avez dit cela que je suis qui pour dire si c'est vrai ou faux. Oui, oui. Il a dit jamais son intelligence. Je suis un bon journaliste. Oh, ce n'est pas croyable. Laissez-moi parler pour qu'on puisse faire quelque chose. J'ai dit ceci, n'est-ce pas? Je vous prête le mot que je n'ai pas aucun droit pour juger. Mais lisons à la lettre, vous nous expliquez. Lisons. Nous ne sommes pas là pour expliquer la Bible. Comment? Nous ne sommes pas là pour expliquer. Vous expliquez la Bible? Nous ne sommes pas là. Celui-ci a pris en 1 Corinthiens chapitre 11 aujourd'hui. Il a dit que quand l'apôtre Paul disait, il disait ça dans les gens de son époque. Il m'a prouvé que c'était aux gens de son époque. Nous ne sommes pas là pour expliquer la Bible. J'ai dit que celui-ci était là. Il a lu dans cette Bible-ci. Il a expliqué ce que la Bible voulait dire. Donc il peut m'expliquer aussi ça. Oui ou non? Et si c'est pas toi, c'est lui. Oui ou non, il peut m'expliquer ça aussi. Non, il n'est pas obligé d'expliquer. Non, j'ai pas dit qu'il est obligé. J'ai dit qu'il peut. Est-ce que nous avons la foi prophétique. Frère, vous avez tout notre jour d'habit, je dis les vies, vous les dites, c'est simple. Frère. Non, je ne suis pas ton frère. Non, c'est pas toi. Non, tu parles pas ici. Tu as fait l'erreur. Tu as dit frère. Après, tu es menteur. Je vais te dire quelque chose. Je ne suis pas là-bas, c'est ici. Non. Ouvre d'habit. Matthieu, Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Oui, disons Marc. Ok. Après ça, on va lire notre verset. C'est deux versets seulement. Deux passages de la Bible. Nous aussi, on va donner les versets. Non, il n'y a pas de problème. Okay. Donnez pour autant de versets que vous voulez. Ok. Mais ça m'a qu'on lit, ça vous dit ce qu'il en est. Oui. Non, c'est qui allait nous dire ce qu'il en est. Comment? Nous ne sommes pas là pour interpréter la Bible. Non, non, je n'ai pas dit que j'ai interprété. J'ai dit que je vais lui poser la question. Parce que vous avez. C'est à partir de tout ce que vous avez dit. Marc 1. Mais parce que la vérité, si vous avez la vérité, présentez-moi la vérité. Les gens, quoi? Allons, Marc chapitre 1, lis dans la Bible, le verset 1 et 2. Dès que vous allez lire, je vais en venir avec ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, c'est ce que j'ai écrit. Nous ne sommes pas venus vous présenter une vérité. La vérité, tu as dit la vérité, je n'ai pas dit une vérité. J'ai dit la vérité, vous avez la vérité. J'ai dit que vous avez la vérité. C'est ça, c'est son introduction. C'est son introduction. Nous sommes venus parler de la vérité. C'est pour ça qu'il est corrigé la vérité. L'évangile de Marc, ou bon, vérifions qu'on a cela devant nous. Marc chapitre 1, le verset 1 et 2, lis. Il y en a tellement, il y a une centaine qui vont vous donner. Comme j'ai pas dit c'est l'erreur parce que je ne suis pas digne de le dire. Lisons, on va constater. Allons-y. Alors, Marc chapitre 1, verset 1 et 2. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Oui. Fils de Dieu. Oui. Comme il est écrit dans Ésaïe, le prophète. Oui. Voici, moi j'envoie mon messager devant ta face. Oui. Lequel préparera ton chemin. Devant. Ok, donc disciple du messager de minuit. Du cri de minuit. Montre-moi ces passages-là que David a écrit et que ça se trouve dans Isaïe. Montre-moi le passage d'Isaïe où ça se trouve. C'est la seule question. Que je montre. Montre-moi le passage-ci. Il a dit que c'est écrit dans le livre d'Isaïe. Je veux que vous réunissiez. Montre-moi où ça se trouve dans Isaïe. Donne-moi le verset. C'est la seule question que je pose. C'est la seule. Je ne vais pas avancer plus. Monsieur. Oui. Ça, c'est quoi? Vous ne m'avez pas. Ça, c'est le prophète Jean-Baptiste. Non, je n'ai pas demandé c'est qui. Il dit que. Ouais. Nous connaissons, nous avons compris qu'il faut aller avec lui. C'est Jean-Baptiste qui compte. Mon cher, ne t'excite pas. C'est suffisant, monsieur. C'est suffisant. Regardez. Lis encore dans ton canari là. Vous n'avez pas compris. Regardez. Ils n'ont pas compris du tout la chose. Je n'ai pas demandé de qui est-ce qu'on parle. Patrick, dis-moi. Je n'ai pas demandé de qui on parle. Non, tu as dit que tu es dit dans Isaïe. Non, c'est pas qui est dit. C'est pas qui est dit. Écoute-moi très bien. Vous n'allez pas répondre à une question que j'ai posée. Je n'ai pas dit que vous me montrez Isaïe 40, verset 3, où il a dit que telle quelque chose. Vas-y, montre. Montre donc. Proposez votre question. Vous parlez comme ça, vous n'avez pas suivi la question. Je recommence encore. Je n'ai pas demandé de qui est-ce qu'on parle. C'est pas la question de qui. Tu as commencé à dire que c'est Jean-Baptiste, Il a été excité, parce que maintenant, il ne sait pas. Je lui dis, comprenez ma question. Marc a dit ici que selon qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe, voici, il a cité Ésaïe. Oui. Montre-moi donc ce passage dans le livre d'Ésaïe. Voici. Montre donc, c'est simple, tu as compris la question. C'est simple, non? Montre donc la question. Montre-moi donc la référence. Vous riez comme ça parce que vous êtes à coup d'idée. Montre la parole de référence. Si vous voulez, vous donnez tout partout de passage dans le livre d'Ésaïe où on parle de Jean-Baptiste. Monsieur, si tu veux, donne ça. Monsieur, vous avez manqué ça. Tu as tourné comme ça pour le cas de profane, pas par rapport à répondre. Montrez cela dans Isaïe. Dans Isaïe. Oui, je vous ai dit que j'étais passé dans l'Isaïe. Donc vous, c'est pas écrit dans Isaïe. C'est pas écrit. Ah, c'est pas croyable. Il a dit selon qui est écrit dans le livre d'Isaïe, non? Voici Isaïe, toi mon messager. J'ai l'impression que vous connaissez accusé plus que de parler la parole. Vous accusez plus que. Attends, quand je suis un comme ça, on va te laisser. Laisse ma parole. Répondez. Avant de dire ça, j'ai d'abord posé la question. Répondez d'abord à ça, puis tu dis ça. Répondez d'abord à la question. Non, j'ai dit ça après avoir posé la question. Quel passage, mon cher ami? Quel passage? Comme il est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici moi, j'envoie mon messager devant ta face, lequel prépare le chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Qu'est-ce que tu as lu? Il dit c'est écrit dans le livre d'Isaïe. Il a dit que c'est écrit dans le livre d'Isaïe. Quoi? Il dit non. C'est embrouillé. Il a dit que c'est écrit dans le livre d'Isaïe. Il a dit cela. Que quoi alors, mon cher ami? On relit, chaque fois qu'on le pose des questions, il tourne comme ça, on s'embrouille. Il a dit que c'est écrit dans le livre d'Isaïe. Allez dans Isaïe, c'est simple. Allez dans Isaïe, montre-moi c'est écrit et puis il passe à des choses. D'accord, je relis. Oui, je vous montre où ça se trouve. Voilà. Mon cher Patrick. Il a dit qu'il nous montre. Et relis, tu parles encore quoi? Je vais lire. Non, je dis ça à mon frère. Je dis ça à mon frère que je calme. Mais vous calmez. S'il te plaît, lis là, ta face de lire. Lis, tu nous montres. On ne touche pas pour vous. Finissez. Si vous voulez finir, vous mettez lire. Ok, merci. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, comme il est écrit dans Isaïe le prophète, voici moi, j'envoie mon messager devant ta face, le Père préparera ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, fais droit ses sentiers. Je vous montre le passage dans Ésaïe. Mais il faut qu'on lise tout ça. Montre-le, mon cher ami. Ouvre-le, là, Ésaïe, elle c'est difficile. Ouais. Prouve seulement, la parole c'est la parole. Prouve seulement. Comment prouve, parle en bas pourquoi. Oui, ok, prouve Ésaïe. Tu cherches la référence, Ésaïe 40. Il était de là maintenant. Quand tu cherches à l'intérieur de la Bible, pourquoi tu le renvoies? Va dans Ésaïe 40. Le métal, regarde, tu as dit que la Bible dans Ésaïe et ça se trouve, tu vas te repentir. Ok, ok, ok. Non, non, oui. Si tu me montres, je me repens. Si tu me montres, je me repens. Oui, mais c'est... Quel menteur, frère. Il m'a appelé son frère, hein. On a plus quel menteur. Ça montre l'esprit, là. Il y a plus accusateur que biblique. Je vais lire quelque chose ici. On a compris que je vais lire quelque chose. C'est ça, il a dit, Dieu, ce n'est pas la Bible. Mais Dieu a donné la Bible. Dieu a dit à la prophète de la Bible, c'est le Père de la Bible. Oh, la partage, pardon. Tu as trouvé, il est en toi, on va dire ça. Ésaïe chapitre 40. Oui, on va dire cela. La voix de celui qui crie dans le désert, prépare le chemin de l'Éternel, apparaissait dans le lieu stérile, une route pour notre Dieu. C'est pas ça. C'est ça. Pas, je ne vois pas, je, voici j'envoie le messager devant ma face. C'est pas ça. C'est pas ça, mon cher. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Frère, ça va. Non. Vous êtes malhonnête. Il n'était pas là au même. Ça n'a rien à voir ce qu'on allait le voir. Celui-ci dit que. C'est lui, regarde l'évangéliste dit que selon ce qui est écrit dans le Ésaïe, il a dit un passage totalement. Il a dit qu'on montre où ça se trouve. On a montré où ça se trouve. Tu n'as pas montré où ça se trouve parce que ce n'est pas écrit dans Ésaïe que voici, j'envoie mon message devant toi qui te voit le chemin. C'est l'autre qui te montre maintenant là où c'est écrit littéralement. Permets aussi que je te montre là où c'est écrit littéralement. Voilà, c'est là où vous allez. Ouais. Le prophète dans Malachie. Voilà. Mais comme tu as Malachie, ça veut dire que c'est écrit dans Malachie, pas dans Ésaïe. Il y a dans Malachie. Alors maintenant. Alors, qui a écrit dans David que c'est écrit plutôt dans Ésaïe alors que c'est écrit dans Malachie. Il n'a pas dit que c'est écrit dans Malachie. Pourtant, comme tu es écrit. Attendez, écoutez, Matthieu, Marc, Luc et Jean pouvaient reporter sur l'histoire de Jésus. Oui. À des différentes époques. Oui. Mais ils pouvaient. Chacun peut écrire des sermons, personne ne peut contredire l'autre. Non, je ne vais pas contredire les contradictions. J'ai seulement dit que, on a dit que cette chose-ci est écrite dans Ésaïe. C'est pour ça que je ne fais directement. Ouais. On ne peut pas dire que ce sont des féticheurs. Ok. Au Seigneur, c'est Satan qui séduit. Jésus ne peut. Non. On a laissé une barre. C'est lui qui a donné ça. Mais c'est la comparaison des versets ou bien ce n'est pas la comparaison des versets. Non, mais ce n'est pas la comparaison des versets. Vous êtes vraiment. Si vous comparez les gens, le genre, c'est suffisant pour qu'ils comprennent. À partir de ceci, n'est-ce pas? J'ai dit que dès le départ, vous avez accepté que je donne deux passages. Le deuxième passage, il donne après. Le premier, encore plus d'abord que tu n'as. Non, tu m'as montré, voici, j'envoie le message d'abord, et ça se trouve pas dans le livre d'Ésaïe. Je veux que tu admettes ça. Oui. Ésaïe 43. Oui. Et dans Marc 1, dont il est question, dont on a lu. Oui. Qui est identifié là-bas? De qui parle-t-on? Non, c'est pas le coup. De qui parle-t-on? On n'est pas allé parler de la même chose. Qui est le fait C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas l'esprit, le Saint-Esprit qui a parlé à Esaïe, mm-hmm. c'est notre esprit qui a parlé plus tard à Malachi. Non, c'est le non, on a pas dit qu'on dit répéter. C'est une prophétie répétée. Voilà. Parce qu'il parlait de quelqu'un. Oui. Il parlait de quelqu'un. Qui a parlé à Patrick? Patrick. Lequel seul d'entre les fils d'Israël ont évalué. Ok. Maintenant, montre-moi ça dans le livre de Jérémie, dans David. Et puis, maintenant, je me soumets à votre message. Allez dans le livre de Jérémie, vous me trouvez ce passage. Il vient de dire que l'Éternel vient de renvoyer ça à Jérémie. Je vais aller dans Jérémie, vous me montrez. Dans ce que tu as lu là-bas. Oui, dans Jérémie. Dans Canary, c'est, je ne sais pas ce qui est écrit dans Canary. Mais dans la Bible, c'est écrit clairement que c'est dans et c'est la parole de Dieu. Donc, dites-nous dans Jérémie où ce passage est écrit. On a bien compris pour vous. Et tout court oui. Par rapport à cela. Oui. Vous devez savoir que la vie de David, ce n'est pas ce que l'original a voulu dire. Ah. Suivez. Tiens, ma côté. La vie de David, ce n'est pas ce que l'original a voulu dire, mais l'original a dit. C'est ce que l'original a dit. Nous nous attendons à cela. Oui. Non, il n'y a pas de problème. Oui. J'essaie de menacer. C'est dans Jérémie. Hein? Comme on a trouvé c'est dans Jérémie. Une chose, permettez, va dans Jérémie, me montre. Permettez. Vous allez remarquer une chose. Je pense que vous n'avez pas remarqué ça avant. Quand un messager entre en scène, il peut être annoncé par plusieurs messagers. Ça dit quoi? Par exemple, quand Jean-Baptiste venait, Esaïe a annoncé. Malachi a annoncé. Et ainsi de suite. Quand Jésus venait dans son ministère, Esaïe a annoncé, Daniel a annoncé, Moïse a annoncé, ainsi de suite. Je vous dis en clair, Philippe ou Étienne entre en scène, quand il veut montrer la vie de Jésus, il prend où Moïse a annoncé la vie de Jésus. alors Isaïe a annoncé, il pourrait prendre même la, l'endroit où Isaïe a annoncé. Exactement, mon cher, c'est vrai, c'est établi dans la Bible. Montre-nous pour le passage de renvoi de ça dans Jérémie. Il est là. Il est montre dans Jérémie. Montre dans Jérémie. On a dit que c'est l'homme qui est écrit dans le livre du prophète Jérémie. Oui. On a Jérémie là devant toi. Montre. Tout à l'heure, allez là, Isaïe, Jérémie. Jérémie a, je vous dis, Jérémie. Parce que Jérémie a parlé de Jésus. Peut-être qu'on parlait de Jésus. Montre où Jérémie. Attendez, non, attendez le fond. Jérémie. Tout à l'heure pour l'autre, rapidement on vous a montré. Hein? Pour Jérémie, il y en a. Et Jérémie a combien de chapitres, frère? 51 ou 52? Oui, c'est grand chapitre. Moi, oui. Maintenant si, oui. Je ne veux pas m'asseoir. Oui. Commencer à fouiller point par point. Oui. Pour te montrer cela. Oui. Mais si David dit cela. Maintenant, comme sur les deux choses que tu as dites, il y a un qu'on a clairement trouvé. Il y a l'autre qui se trouve, mais nous on va attendre fouiller maintenant. Et nous aussi, nous avons quelques deux passages aussi à montrer. Oui. Si vous nous prouvez. Oui. Que c'est autrement. Que c'est autrement, ça dit quoi? Ça dit quoi? Deux passages de blasphème. Au moins deux passages de blasphème. Où ça dans l'arrivée? Et lui, c'est quand? Dans l'arrivée, c'est quand? Écoutons très bien. Non, qu'on soit clair sur une chose. Je ne suis pas allé les dépendre imbi. Je parle chez vous parce que c'est vous qui dépendez David. Donc, si vous dites n'importe quoi, voilà, tu peux le demander. Je leur ai enseigné plusieurs fois que dans toutes les versions de la Bible, il y a des erreurs, il y a des fautes. Ah, mais voilà. Si c'est je manque, qu'ils disent là devant vous. Ah, tu comprends donc? Quel plus théologien n'ayant pas un mandat de Dieu pour qui opère. Oh non, tu as bien fréquenté, c'est bon monsieur. Ça a été bon pour quelqu'un pour cette histoire, pas un professeur, pas un enseignant de la Bible, un historien. Je ne sais pas ce que tu as fréquenté pour comprendre. Non, tu es un historien. Je recommence encore. Il m'a besoin de fréquenter. Vous avez perçu ce que j'ai dit? Il a dit qu'il veut aller montrer les paroles de blasphème. Il va prendre Ézéchiel chapitre 28 où là tu mettais le sceau. Quand il dit mettez le sceau, tout le passage, je connais tout le passage. Ce que je vais dire, c'est ceci. David, je ne dépends pas du second, je ne dépends pas David. Donc, parce que le second est distant. Tu n'es sur rien. C'est quoi? Non, Joseph. Tu n'es pas de la Bible, tu as enseigné par ton intelligence scolaire. Oui. Voici maintenant, tu n'es pas derrière un message. Je suis derrière Jésus. Philippe a demandé de brûler des versions et il a demandé de soutenir David. Lui, il n'a pas dit qu'il soutient lui, c'est bon. Il a réussi à parler de prophète. Il a dit que c'est un fils du diable simplement. Et ce que la Bible dit, et que ça se trouve dans Zaï. Il dit que je ne vais pas là-bas avec toi. Comment? Tu dis que ça se trouve pas là-bas. Alors, que tu as lu dans Jérémie, tu n'as pas demandé à tes amis là-bas si quelqu'un sait où ça se trouve dans Jérémie. Tu as allé tourner pour que vous rentriez. Voici les gens, tu ne leur as pas demandé si ça va, je dis dans Jérémie. Dans Marc, comme l'écrit, oui. Comme c'est écrit dans le livre d'Ésaïe, oui. dans le chapitre 1 de Marc, oui. Nous présentons à partir du verset 3, oui. Il est dit là-bas que voix de celui qui crie dans le désert. Tu as sauvé quelque chose en haut. Là, c'est de quoi? C'est une chronologie. Suis pas les chronologies, il a justement sauté quelque chose en haut. C'est voilà la chronologie. Comme a dit le prophète Ésaïe. Qu'a dit le prophète Ésaïe? Le prophète Ésaïe, oui. Non, non, tu ne peux pas citer la Bible. Il a dit que comme a dit le prophète Ésaïe, il a cité que chacun des prophètes. Qu'est-ce que Ésaïe a dit qui se trouve dans Marc 1? Qu'est-ce que tu dis dans Marc 1? Oui, Ésaïe n'a pas dit que voici, j'envoie mon message devant toi. Ésaïe n'a pas dit ça. C'est là où il est. Ésaïe, il n'a pas voix de celui qui est dans le désert. J'ai comme l'impression que tu allais tourner encore. Vous avez la langue parmi. Je recommence encore. Si tu n'as pas présenté, je vais te rapprocher la mémoire. Non, Marc écrit disant comment a été dit dans Ésaïe le prophète. Dans Ésaïe le prophète. Oui. Dans Ésaïe le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Non, dis d'abord. Qu'est-ce qu'il a dit? Dis d'abord dans Marc chapitre 1, ce qu'il a dit que le prophète a dit avant le 19. Parce que ce qu'il a dit dans Marc, il est né là. Il a dit. Tu vas prendre le prophète Ésaïe. Autant de Paul, hein, tu as contredit Paul. Autant de Paul, tu as contredit Paul. Autant de Jésus, tu as l'envoi la foi. Autant de Moïse, tu as se posé à Moïse. C'est ce que votre prophète a dit. Non, c'est clair, monsieur. Répondez-moi vraiment à la question. C'est le B.A.B.A. Réponds-moi, où est-ce que Matthieu, chapitre 27, verset 9. Rapporte ce que Esaïe a dit dans Matthieu, chapitre 27, verset 9. Où est-ce que c'est écrit dans Jérémie? Tu n'as pas d'accord. Comment? Marc 1, 3 est écrit exactement dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 1. Est écrit exactement dans oui. Marc 1, 3. Marc 1 est écrit là-bas. Marc, vous avez dit le passé, il n'a pas dit 3. J'ai dit que Marc, chapitre 1, verset 1 à 2, c'est ce qu'il a dit. Je vous ai dit que lis-moi Marc, chapitre 1, verset 1 à 2. C'est là où il a tapé. Le sens de faire des règles simplement. Réponds, si ça me dérègle. Oui. Je vais te dire une chose. Mais je n'ai pas résisté à la vision céleste. Très excellent, très excellent, Francis. Attends. Quelle vision céleste? Non, non, non, je ne sais pas. Exactement comme ton prophète a eu la vision. Répondez-moi tout simplement. Je vous ai dit que vous n'avez pas répondu. Quatre questions. Vous n'avez pas répondu. Attends, il va chuter. Vous permettez que je dise quelque chose? Il a dit chute, non, il prend la parole. Voilà. Même si vous vouliez présenter quelque chose, j'ai déjà vu cette chose. Vous voyez. Depuis, mon frère est en train de bavarder beaucoup. Mais il n'y a pas un seul instant où il a accusé mon frère de démon ou bien de quoi que ce soit. Parce que c'est ma qualité. Oui, mais regardez. Laisse-le parler. Okay, regardez, oui, il parle. En tout cas, il doit avoir de la douceur chez celui qui vient présenter. Il doit redresser les adversaires. Oui, pour redresser, il doit. On va me dire que c'est un détresseur. Maintenant, s'il n'était pas là, tu serais en train de toujours me insulter de devant comme ça. Là. Parce que voici la chose. Mais c'est un fils du diable, c'est un fils du diable. Mais tu veux convertir un fils du diable, le fils de Dieu, on veut convertir un fils du diable. Si on veut convertir les pharisiens, Dieu t'a donné l'autorité de savoir que c'est le diable et que c'est Dieu. On ne convertit pas. Depuis quand on convertit les diables? Mais tu es un fils du diable, tu étais chez les diables, tu as mangé chez les dénominationnels, toi. Tu as dit que tu as vu, même chose pour toi, même chose pour toi, même chose pour toi. D'abord, voici les gens, même quand... Donc, chaque fois vous allez poser la question. Donc, selon Kakou Philippe, il a la même chose. Selon Kakou Philippe, le seul c'est quelque chose qu'on peut dire, c'est quoi? Mais répondez à qui la parole de Dieu en cette génération est manifestée par Kakou Philippe. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais c'est que celui-ci a dit, c'est ceci. Il a la parole. Je vais finir d'abord. Il n'a même pas fini. Ce que vous dites maintenant, ce que lui dit que j'ai reçu une fausse semence et que je ne peux même pas d'abord comprendre ce que l'autre dit. C'est vrai. Hein? C'est vrai. La Bible dit que le juste est une abomination pour le méchant, tout comme le méchant est une abomination pour le juste. Maintenant, laissez-moi finir. Il y a un seul attribut qui appartient. Et lorsque ça se manifeste, c'est-à-dire quiconque est aveugle ne porte comment le Dieu pouvait. On n'a pas besoin de passer par le prophète. Lui, on n'a pas besoin du prophète. Lui, il est entré ici depuis là, c'est l'accusation, fils du diable, race des vipères, et puis ceci, démon, fils, et ceci, cela. Mes amis, je vous dis. Je vous dis. Peut-être que vous pensez quand vous dites fils du diable, ça me fait quoi? Ça me fait ni foi, ni non. Je vous dis la deuxième chose. Je vous dis ceci. Ah, vas-y, t'as pas mal. Oui, c'est que tu es. Je vous dis ceci. Ça détermine exactement l'esprit qui vous amène. Il y a un seul esprit accusateur, c'est le diable. Donc, ça dit, croyez ainsi. Il y a un seul esprit accusateur. J'ai bien suivi depuis le départ. Lui, il doit répondre les questions que j'ai posées. Lui, il doit répondre. Mais il n'a traité personne de quoi que ce soit. Non, mais attends. Il n'a traité personne de mal. Il n'a traité personne. C'est la douceur. Frère, permettons-le qu'il s'insulte, mais j'ai posé la question. Vous avez la vérité. Non. Dites pas, même si vous avez raison. Même si vous dites n'importe quoi. Il dit quoi? Mais c'est du débat. Joseph, j'ai posé une question. Lorsque je lui ai posé une question, il n'a pas pris la Bible. Il a pris la Bible. Ah, il a pris la Bible. Écoute-moi d'abord. La révélation prophétique. Il a fini. Laisse-moi finir. La révélation prophétique. Mais je t'avais dit non. Je t'avais dit non. Il n'est pas encore été injecté. Que si je parlais pas, il parlerait. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Lorsque je lui ai déposé la Bible, je t'ai dit que voici la traduction. Voici la traduction. Depuis là, vous ne m'avez pas laissé parler. C'est pourquoi je me vas-y, vas-y. Voilà, c'est lui qui t'a appelé. C'est lui, pas nous. C'est lui. Vous tous. Après, lui, je pas les accusations. C'est lui. Pas les accusations. Laisse-le parler. Il est sous toi. Laisse-le parler. Vous voulez comprendre pourquoi j'ai quitté le sujet. C'est qu'est-ce qu'il faut. Oui. Il ne ment pas. Écoutez maintenant. Si c'est le mensonge, il va dire. Ok. Il a pris. Lorsque je lui ai posé la question sur le voile, il a pris le livre des questions, le conseil du prophète. Jamais il n'a touché sa Bible. Et j'avais là, entre mes mains la version de la Bible recommandée par le prophète Kapour, que vous dites suivre. Dans le livre des questions-réponses, dans le verset 6, on peut lire. S'il a son livre des questions-réponses là-bas, qu'il sorte et qu'il lise. C'est que vous avez lu le jour là. Oui, ce qu'on a lu ce jour. Qu'est-ce que tu as lu là-bas? Vous avez lu là-bas. Voici la traduction d'Arbi que Kapou a recommandé. Oui. Sur ces questions-réponses, on lit cela. C'était le passage des trucs de 25 à 28 pour que tu as sorti. Lisons cela. C'était qui m'a mis les. C'était Patrick. Patrick, tu es là-bas, tu as appelé là-bas. Oui, est-ce qu'il sort pas? Comment vous agitez? Mais monsieur, qui sort? On va savoir comme ça. Pourquoi est-ce que tu chutes? Ils sont sous lui. Francis, je ne vois pas pour beaucoup de temps. Mais si vous parlez d'agitation, personne ne peut être agité. Voilà, ils sont sous lui. Personne n'est sous moi. Sors le livre. Il est le porte-parole. Personne n'est sous moi. Ça, c'est un mensonge. Personne n'est sous moi. Mais avant de sortir, il veut dire quelque chose. Oui, dis alors d'abord. C'est que vous l'avez dit, c'est que. Non, ce que je dois savoir. Ce que je dois savoir est dans le livre des questions. Parce que vous avez dit que qu'est-ce que vous avez discuté et que ça ne lui a pas fini. Sauf ça. Je vais d'abord dire quelque chose. Oui. Permettez-moi. Avant de dire cette chose, je commence à sortir. Oui. Sors d'abord d'une chose même. Tu ne peux pas rectifier ce qui est dans le livre des questions-réponses. Là-bas, il dit là-bas. Les trois, s'il te plaît, ce sont les trois. Comme ça, on va parler, non, frère. Pat. Les réponses aux questions que tu cherches ne se trouve pas dans David, la réponse aux questions de cette génération ne se trouve pas dans David. Ok, donc ça veut dire que vous n'enseignez pas la Bible à cette époque, vous avez les paroles de David, de Kakou, c'est vrai, de Kakou. Mais qu'est-ce que tu penses? Attends, mais réponse aux questions que tu veux savoir. Je sais, mais regarde comme ça, c'est pas ça, il ne veut pas dans David. Ok. Vas-y donc, c'est l'église et David, là, tu vas suivre la parole. Voilà. Laissons pas que celui qui a la parole. Cette version est recommandée, Patrick. Mais on ne prend pas la Bible pour que tu vois la Bible. La Bible ne sauve pas. Les paroles sont dans la Bible, la Bible ne sauve pas. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est le livre? La révélation quotidienne. C'est le livre du prophète. C'est la parole de Kakou qui sauve. C'est pour cela dans Kakou. C'est pour cela dans Kakou sans vérité. Il a dit qu'il est le temps de le faire. Il est le temps de le faire. Donc, non. Et tu vois le contraire? Non, mais Dieu me dit que la parole de Dieu n'est pas la Bible. Non, le prophète de Dieu n'est pas la Bible. Frère, il condamne ce que celui qui est venu d'abord a fait. À condamner ce que l'autre a fait. Non, non, non, pas la vérité. Pas la vérité, c'est vrai. Ouais, je ne comprends même pas. Tu as fait une dispensation. Tu la révélation pour lui qui te fait Kakou qui sauve. Donc on ne croit pas au Seigneur Jésus qui peut être sauvé de Kakou. Le message Kakou. Oui, oui. Notre devoir, mon frère, c'est d'aller vers le messager. Le message. Oh, la dispensation. En fait, tu vas venir après Kakou. Celui qui a le livre. Si vous suivez Kakou Philippe maintenant, vous êtes sauvé, oui ou non? Nous suivons Kakou Philippe. Et vous êtes sauvé, oui ou non? Maintenant, si Kakou Philippe meurt, un autre prophète messager vient après lui. Vous allez suivre ce prophète messager. Nous suivons l'esprit. Nous suivons l'esprit. Attends, vous des Kakou Philippe là. Oui, donc il cherche sur la question, non? Vous avez remarqué que dans l'Ancien Testament, beaucoup de Jésus-Christ a été annoncé par des prophètes dans l'Ancien Testament. Et il y avait des gens qui étaient en espérance de ça parle de la matière compliquée, répondre tout simplement. Je ne lance pas la matière compliquée parce que si je prends encore des exemples, tu es dû dans ta maman, ton problème. Il a dit la réponse. Il a dit que par la réponse à l'intérieur, monsieur. Il me laisse la Bible. Tu as dit que vous ne prêchez pas la Bible. Je suis un Jésus, c'est Kakou Séverin, c'est Kakou Philippe. Tu as dit que c'est le prophète de l'heure. Kakou Philippe, c'est le prophète de l'heure. Vous allez le suivre, donc vous êtes sauvé. Non, mais il a dit dans Kakou 121 que le seul médiateur entre Dieu et les hommes maintenant, c'est Kakou. Oui, voilà. Donc vous suivez Kakou Philippe, vous êtes sauvé. Je compose la question. S'il arrive qu'il y a un autre prophète messager qui est annoncé après lui, oui, maintenant vous allez être sauvé. S'il meurt et que vous êtes là, vous allez suivre ce prophète-là, vous êtes sauvé, oui, vous pouvez être sauvé, ou bien c'est pourquoi. Laisse-le répondre, c'est lui qui a la parole. Vous suivez ce prophète messager, oui. Êtes-tu sauvé, oui ou non? Oui. Non, c'est pas lui. Pour être sauvé. Oui, oui. Donc, en même temps, vous avez perdu le salut. Quand Kakou meurt, vous le salut est perdu. Vous ok. Non, c'est vraiment en conscience. Dans lui, vous n'en voulez pas. C'est pour ça que. C'est pour ça que. Mais là, vous êtes sauvé. Je pose la question. Le Kakou cassé 121 dit que maintenant sur la terre il n'y a qu'un seul médiateur de Dieu, oui, le prophète de l'heure. Oui. Et tu viens d'affirmer que en dehors de Kakou Philippe, personne ne peut être sauvé. C'est clair. Alors maintenant c'est clair. Maintenant je dis ceci. S'il y a un autre prophète messager après Kakou Philippe qui meurt, tout toi qui es devant moi, tu es vivant. Oui. Maintenant, tu vas suivre ce prophète là pour être sauvé. Oui. Et si tu ne sais pas si tu n'es plus sauvé. Si les marques, il est là. Mais vous venez de me dire qu'un enfant du Seigneur vous appelle le salut, vous êtes fils et le fils. C'est pour cela que s'il est là, forcément, on va le reconnaître. Vous allez le reconnaître. Si vous ne le reconnaissez pas, dès le départ, vous n'êtes pas sauvé. Si les disciples de Jean-Baptiste. Dans la Bible, c'est le mémorial. Donc, je retiens donc que le Jésus qui a dit à Kakou Philippe a dit que David c'est la Sainte Bible, c'est la Bible. Oui. Vous avez dit que c'est le mémorial. Même la Bible, même le mémorial, c'est le mémorial. Mémorial. C'est un livre d'histoire sur la terre. Mais vous n'avez pas parlé. Quel livre d'histoire? C'est un document de recherche. La Bible c'est un document de recherche. C'est un document de recherche. Oui. C'est pas un document. C'est un document de recherche. Oui. Donc et donc je retiens, je vais te passer à vous laisser la parole. Non, c'est que je retiens. Je n'ai pas compris. Je vais parler de David. Je vais parler de Matthieu 25, verset 6 dont vous parlez, qui est venu avant? Regardez, je suis, n'est-ce pas, au milieu, en espace. Je ne veux aller ni à gauche ni à droite. Je veux là où il y a la vérité. Mais pour qu'on puisse avoir la vérité, il faut qu'on puisse comprendre entre nous le temps véridique. Voici ce que leurs paroles déclarent. Ils ont dit qu'ils suivent les paroles prophétiques. Donc ils ne sont pas de la Bible parce que la Bible n'est qu'un mémorial. Ici nous montre déjà que le temps se divise en deux. Nous sommes d'accord. Merci. Le temps se divise en deux. Il y a un temps qui suit qui croit à la Bible. Les règlements bibliques. Oui. Il y a un temps qui suit cassé. La prophétie. Depuis, je me suis tué. Il faut vérifier que l'affirmation que tu fais est logique. Oui, est vrai. Je vais poser une question pour que chacun puisse répondre. J'ai dit qu'il y a un premier temps qui suit la Bible. Il y a un second qui suit la révélation prophétique de l'heure. Voilà. Procès de l'heure. De l'heure, pas vrai. C'est vrai. Ok, je vais poser une question si vous me permettez. Je vais dire que ceci que nous avons ici, c'est une Bible. Le monsieur donc qui amène, je ne sais pas, apporter la révélation de l'heure, Kakou Philippe, a dit que ceux qui veulent suivre la vérité devraient avoir David pour un exemple, c'est-à-dire pour livre. Oui, pour livre, il tire ses révélations à base de David. Non, de temps en temps. C'est-à-dire, de temps en temps. De temps en temps. C'est-à-dire, Matthieu. 25, 6 après 12, 14. C'est ce que ce monsieur a dit. Pas vrai? Oui. Amen. Maintenant, vous nous faites comprendre que les questions que mon frère a posées ne se trouvent pas les réponses. Les réponses dont lui, il s'attend que le cas adverse, c'est-à-dire le tabou Philippe, lui donne, ne se trouvent pas dans Darby. Dans le mémorial. Dans le livre d'histoire, pour être clair. Dans le livre d'histoire. Vraiment. Dans le livre d'histoire que Jésus lui a révélé. Voilà. Mm-hmm. Donc que la réponse dont vous devrez lui donner se trouve dans les écrits du prophète de l'heure. Merci. Maintenant, nous allons dire quelque chose. Nous sommes ensemble pour un seul but. Et une seule personne nous unit ici. Pas vrai. Dieu, qui a donné une révélation à M. Carl Philippe, qui est son prophète de l'heure. Selon vous. Selon vous. Et ceci, le mémorial dont M. Carl Philippe a dit que on peut l'utiliser de temps en temps, est aussi la même parole de ce Dieu qui lui a dit totalement. N'est-ce pas? Affirmé, j'avance. C'est ça. Donc, la Bible aussi est toujours pour le même Dieu qui a révélé à M. Campbell Philippe que on doit suivre ses écritures. Mais entre-temps, il conseille d'Arbi. C'est ça. Amen. C'est ça le point. On va dire oui, mais sur le lien de rectifier, on va porter, s'il vous plaît. Mais d'abord, la parenthèse. Non, la réserve, c'est pour toi. Après, tu vas. Non, on va avancer. Je vais vous avancer. Oui, sur le lien de rectifier. Il a dit oui avec réserve. Oui, avec réserve. Maintenant, frère, je vais poser la question. Ne dis pas frère, parce que tu as le cadeau, c'est moi, oui. Voici mes frères. Mes frères et moi, nous savons qu'il y a un seul Dieu. Celui qui nous a promis le salut. Celui qui nous a créés, il nous a dit qu'il y a une vie, il y a une espérance qui nous attend. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Et M. Carl Philippe, qui est le prophète de l'heure, dit qu'il a reçu de Jésus-Christ de Nazareth les recommandations propres. C'est-à-dire, lui, il est le prophète de l'heure. Le médiateur entre Dieu et les hommes. Le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui ou non? Lui le médiateur. Oui. Lui ou non? Oui. Non. Tu n'as pas dit Nazareth. Il est médiateur entre Dieu, qui est Jésus-Christ et les hommes. Pas dit Nazareth. Précision. Oui. J'ai dit. Mais même Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Non. Seigneur Jésus-Christ, pas Jésus-Christ seulement. Seigneur Jésus-Christ. Veuillez m'excuser. Oui. J'ai dit, mes frères et moi, nous savons qu'il y a un seul Dieu. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. L'auteur de la Bible. Non, nous ne pouvons pas dire Nazareth. Permettez. Demandez-moi. Frère Achille, dis Seigneur Jésus-Christ, on avance. Seigneur Jésus-Christ. Kakou Philippe a dit qu'il s'est présenté comme l'agneau. Il a dit que ça s'appelle comme l'agneau. Il n'a pas dit comme conseiller Jésus-Christ, il a dit que c'est agneau. Il n'y a pas qu'on avance. Il y a quelque chose à relever avant de l'avance. Oui, laisse-moi. Alors, tu es premièrement juge et parti. Parce que tu nous as d'abord, dans ton introduction, présenté comme étant une personne qui n'est ni d'un côté ni de l'autre. Maintenant, je suis étonné qu'en avançant, tu as pris d'un côté et que. Non, il n'a pas pris le côté. Il n'a pas pris le côté. Non, il n'a pas pris le côté. Ce qui me permet d'appeler ceci mes frères, parce que je ne peux pas vous appeler, vous l'avez introduit. Selon eux, Joseph, il a parlé de sa gauche et de sa droite. Vous êtes situé à sa gauche, lui et moi, nous sommes situés à sa droite. Quand il dit mes frères, moi, je ne suis pas son frère. Quand il dit mes frères, déjà. Non, mais il n'avait pas dit qu'il devait prendre mon parti à moi. Il a dit que les partis de gauche et les partis de droite. Précision. Nous voulons juste avoir une vérité. Et qui nous permet maintenant de développer notre sujet. La raison pour laquelle nous sommes là. C'est tout ce que nous voulons à la voix. On s'est mis là à discuter, l'homme ne comprend pas, l'autre ne comprend pas. Et les discussions sont faites pour des enfants. Moi, je dis ça, ça c'est pour eux. Mais maintenant, nous sommes matures. Nous devrons d'abord comprendre pourquoi nous sommes là et savoir là où nous sommes en train de partir. Sachant qu'en échangeant des paroles, on puisse être clair que l'un n'a dit pas l'autre. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Alors avançons. J'ai dit, il faudrait qu'on soit d'abord certain. La parole, la Bible, vient du Seigneur Jésus. Pas vrai. Et c'est le même Seigneur Jésus-Christ que M. Kapoufou déclare que lui a donné une révélation en disant « Tu es le prophète de l'heure, le médiateur entre les hommes et moi. Je te donne ma parole pour que tu ailles les enseigner. » Et conseillez ceci d'utiliser ceux qui ne suivent pas encore M. Kapoufou doivent utiliser la version de David et brûler les autres. Et brûler tous les autres Bibles. Vrai ou faux? Faux. Exprimez-vous, monsieur. Tu dis, ceux qui ne suivent pas M. Ceux qui ne suivent pas encore M. Kapoufou doivent utiliser David. Non, c'est quand ils vont embrasser le message. C'est la voix pour embrasser même le message. Et brûler les autres. C'est sa parole là-bas. Donc je corrige. Pour embrasser le message de cuir nuit, voici la porte d'entrée. Parce qu'il a dit que c'est ce message-là qui va amener même la persécution. Merci. Donc je corrige cela. Je l'ai dit pourquoi? Parce que le monsieur qui a assis à dire. Patrick. La question de ce monsieur, alors il attend la réponse venant de David, ne peut pas être possible. Il ne peut que lui donner la réponse ce qui vient du prophète. C'est pourquoi donc j'ai dit que comme lui, il n'est pas encore dans le camp prophétique, il ne peut pas encore assimiler la question, mais entre temps, il peut avoir ceci parce que c'est de Jésus David qu'il tire sa source de révélation, pas forcément. Puisque ça a été prophétisé, il est annoncé dans la Bible, pas forcément. Il est annoncé. Non, on parle de celui-ci, Oui, justement, je dis pas forcément. Pourquoi parler? Laisse-moi. Monsieur Joseph parler. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est pas ça qui t'amène à croire à ta prophétie. C'est quoi? Parce qu'il y en a qui ont d'habits. Merci. Ils sont comment le message. Voilà, et bien comme d'accord. Oui. Donc, si c'est que qui ont brûlé d'autres. Et qui sont qui disent seulement ça. Attends, en réalité, ce que ce Seigneur dit, il avait dit qu'il y a deux livres là maintenant. Celui-ci ne connaît pas encore les enseignements de ce qu'il y a là-bas. Et c'est ce qui suit, c'est David, dont Jésus, c'est le Seigneur Jésus, aurait dit à Kapouk, c'est ce qu'il faut utiliser. Et lui, il ne peut qu'aller là-dedans et vous refusez ce qu'il y a là-dedans parce qu'il faut croire à la révélation prophétique. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Oui. Comment? Parce que le message dit. Le message dit quoi de mon cher? Le message n'a jamais dit que. Parce que je dis que la Bible, c'est un mémorial. Si tu crois au prophète Kapoufou, oui. Comme toute personne qui reconnaîtra le message de Dieu, ce n'est pas dans le mémorial qu'il doit aller trouver la vérité. Donc c'est hors. Il va simplement attendre ce qui sort de la bouche du prophète. Et quoi, c'est un point, un trait. Ok, maintenant, s'il te plaît. Maintenant, si celui-là dit quelque chose et que c'est contre dans la Bible que Jésus-Christ a donné. Si tu veux utiliser la Bible, oui. C'est simplement pour avoir des connaissances. Historique. Ok. Tu n'es pas ta parole. C'est plus clair maintenant. Maintenant, si je comprends bien, vous êtes en train de dire que pour qu'on puisse développer, avancer maintenant dans le salut, on doit abandonner la Bible et prendre uniquement les écrits de M. Kapoufou. C'est ça qui donne le salut. Mais la Bible ne donne pas le salut. Oui. Mais le message de Kapoufou qui donne le salut. Ok, maintenant, et c'est quoi le salut de génération? Je pose la question. Il n'a pas fini. Continue, monsieur. Je suis en train de dire ceci pour notre raison. C'est-à-dire, nous ne devrions plus tirer. De long à large. De long à large, on ne doit plus utiliser ceci. Mm-hmm. Ça quitte la scène. Mm-hmm. Maintenant, vous mettez votre livre de salut. Le livre du salut. Mm-hmm. Qui vient de M. Kapoufou. De Jésus-Christ. Nous reconnaissons que, d'après vos informations, Jésus-Christ lui a donné cela en l'annonçant comme prophète de l'heure, évidemment. Donc, tous ceux qui vont aller au Seigneur Jésus-Christ, moi, vous passez par Kapoufou. Mes frères, donnez-nous donc. Ne pas mes frères. Pardon. Mes amis, amis de la chair. Je t'aime, monsieur. Pardon. Comme ça, je m'excuse. Voici quelque chose de nécessaire. Au départ, ce monsieur a dit qu'on ne devrait pas s'attarder à examiner les choses n'importe comment. Il y a un fondement sur lesquels on se bat pour examiner. Celui-là dit qu'on est qui pour examiner les choses du prophète. Donc il faut qu'on tienne encore la discussion. Le monsieur du guerrier a dit que quand un prophète parle, on doit répondre Amen. C'est cela. Parce que ça vient dans Paul passe. Nous sommes une passe Amen. Je m'appuie encore sur ce monsieur. Il a dit une chose. Il a dit que quand on annonce un prophète, le peuple doit d'abord chercher à connaître qui est le prophète. Si on les annonce qui vient de Dieu, immédiatement, tout ce qu'il dit, Amen. Amen. Amen. Frère, donne-nous alors, mais laisse-moi t'en faire. Pardon. Attends, je vois que quelqu'un avait la. C'était lui qui avait la. C'est pour ça qu'il a sorti le document là. Ce monsieur, on va prendre son document. Ce monsieur, Francis, donne-nous donc deux. Bon, un seul exemple par lequel le peuple doit s'appuyer pour connaître que celui-ci vient de Dieu. Donc on a éliminé David au-delà de. On a éliminé. On ne parle pas de ça. Dans ce cas, okay, merci. Merci. Et... Francis est sur la scène. Pourquoi cette parole? Pardonne-moi, nous sommes assez mal. Cette parole. Ne t'attarde pas. Non, c'est pas la pose. Tu vas t'attarder sur les bêtises. Vous savez, pourquoi il doit faire des bêtises quand on est dans ce sérieux? Avant, quand on est mature. Non, je suis mature. Voilà, avant, vous voyez un peu. Si c'est on a assemblé des matures et qu'il n'est pas mature, qui sort d'abord. Non, c'est une chose. Vous n'avez pas un bêtise. Je vais répondre. Merci. Quand on avance et qu'on attaque les choses et qu'on dit, on met le mot sérieux, il faut néanmoins qu'on soit sérieux. Oui, tu m'as donné la parole. Et je veux que tu reprennes un peu ce passage. Voici ce que vous avez exactement dit. Quand on annonce un prophète, le peuple, celui qui annonce, qui donne la vision au prophète, c'est Dieu. Il n'a jamais dit au peuple, voici mon serviteur. Mais quand le monsieur est sur le terrain, le peuple doit examiner pour connaître que celui-ci vient de Dieu. Je veux tout simplement que vous nous donniez, n'est-ce pas, l'ouverture dans laquelle le peuple doit reconnaître. Mieux pour connaître que celui-ci vient de Dieu. C'est juste une grâce que Dieu accorde à la personne. Mais c'est une grâce. Une grâce que Dieu accorde à la personne. Donc, ce n'est pas. Vous avez répondu à moi quelque chose. Aucune école de théologie, aucune pensée. Je ne peux pas t'amener la messe. La parole que vous avez dite, c'est la grâce, n'est-ce pas? Donc il faut uniquement la grâce. Nous sommes assis ici. Je ne sais pas. Dieu n'a accordé la grâce à personne. Je veux prendre le côté du peuple. Oui, je veux. Dieu n'a accordé la grâce à personne de pouvoir détecter que Capo Philippe est. Oui. Comment il a la grâce? Comment il a pu savoir lui-même en particulier un cas parce que Philippe est enceint. Réponds-le. Au temps de Jésus. Dans le mémorial, dans Jean fait le site du palais, s'il vous plaît. Permettez, je vais couper, tu rentres, tu fais quelque chose qui n'a pas de sens. On peut remettre ça de côté. C'est la Bible, c'est le mémorial. Ça n'a pas de sens. Tu veux pas le salut. Tu touches peut-être sa Bible là-bas. Pardon. Non, non, non, qui n'est pas là. Je vais lui donner l'exemple, le concorde. Vous n'allez pas parler là-dedans. C'est pas qu'on a éliminé ça. Prends pas les bruits. Permets que je parle. Tout à l'heure, il a dit des choses. Il dit, oui, sous réserve de précision. C'est sur les choses comme ça que je vais apporter des précisions. Ouais, un peu. Tu fais que quand maintenant, quand je viens et parle, il y a des choses que tu as dit tout à l'heure. Pour ne pas couper, j'ai dit. Pour vous, c'est comme si je suis. Non, voici une chose. On a déjà éliminé la. Non. C'est un mémorial. Permettez-moi, je pose avec lui. D'accord. Voici une chose. Attends, mes précisions.